limite s'est effondrée comme un château de cartes. Elle avait un coup d'avance, pour elle c'était que du sale. J'en veux encore, mais il faut qu'on stoppe. J'étais qu'un plan B. On se donne dans la chop, et même pas son fun. À quoi tu t'attendais? Complètement sous le choc, moi je voulais pas de lover. Mais sa loyauté, je voulais être sa drogue, mais elle voulait qu'on fuck. Elle m'a canassé. J'ai tiré 2-3 flèches sur son bouclier. Sur son bouclier. J'ai mis mon cœur de pierre dans un bourbier. Dans un bourbier. Elle m'a dit faut que t'arrêtes, tu dois m'oublier. Tu dois m'oublier. J'ai tiré 2-3 flèches sur son bouclier. Sur son bouclier. Pyramide s'est effondrée comme un château de cartes. Je voulais surfer sur ses larmes, je me suis pris la vague. Quand je la coule, elle me colle, je peux plus m'en passer. Avec son corps, je m'emporte, elle m'a verrouillé. Complètement sous le choc, moi je voulais pas de lover. Mais sa loyauté, je voulais être sa drogue, mais elle voulait qu'on fuck. Elle m'a canassé. J'ai tiré 2-3 flèches sur son bouclier. Sur son bouclier. J'ai mis mon cœur de pierre dans un bourbier. Dans un bourbier. Elle m'a dit faut que t'arrêtes, tu dois m'oublier. Tu dois m'oublier. J'ai tiré 2-3 flèches sur son bouclier. Sur son bouclier. J'ai tiré 2-3 flèches sur son bouclier. Sur son bouclier. J'ai mis mon cœur de pierre dans un bourbier. Dans un bourbier. Elle m'a dit faut que t'arrêtes, tu dois m'oublier. Tu dois m'oublier. J'ai tiré 2-3 flèches sur son bouclier. Sur son bouclier.